message écrit sur un bout de papier. Quelques mots griffonnés balancés au hasard. Une larme qui coule de mes yeux embrumés. Mesdames, souvenirs de ton joli regard. Et mes yeux regardent le ciel pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens couler comme une perle qui brouille doucement mon regard. Mes mains doucement se tendent comme pour te toucher. Elles ont gardé en satin de ta peau. Elles espèrent que demain elles seront à nouveau enlacées dans les tiennes pour ne plus les quitter. Et mes yeux regardent le ciel pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens couler comme une perle doucement mon regard. Ma mémoire s'agite et murmure ton nom comme pour me rassurer, pour te sentir moins loin, pour me donner la force d'espérer en demain. Tellement le temps qui passe par sembler long. Et mes yeux regardent le ciel pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens couler comme une perle qui brouille doucement mon regard. Ne me quitte plus comme un parfum divin. Et les mots se bousculent dans ces phrases qui viennent, ces mots que je dirais si je n'étais pas si loin. Et mes yeux regardent le ciel pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens couler comme une perle assis là, à compter les minutes qui me séparent de toi et déchirent mon cœur, espérant pour longtemps une vie de bonheur, comme le soulagement de tous ces jours de lutte. Et mes yeux regardent le ciel comme pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens comme une perle qui brouille doucement mon regard. Et mes yeux regardent le ciel pour y trouver un peu d'espoir. Et je sens couler comme une perle qui brouille doucement mon regard. Et je sens couler comme une perle qui brouille doucement mon regard.